chronique d'une dystopie. Bonjour à toutes et tous. Après une longue absence, me revoici donc à vous parler. Alors, d'avance, vous m'excuserez si ma langue bute quelque peu, c'est parce qu'en fait, j'ai pas eu trop le temps de la préparer. Donc voilà, c'est-à-dire que beaucoup de choses se sont déroulées ces dernières semaines, et le choix de l'instabilité d'une vie tourmentée entre lutte et volonté de vivre, étrangement, amène par moments à décrocher des choses que l'on voudrait faire. Ces dernières semaines, auront été riches en enseignements. Bien que beaucoup ne sont que la répétition de la longue parodie que nous offre à voir notre société, dont les sirènes vantent tant ses mérites et auxquels beaucoup y auront cédé. Ainsi, beaucoup commencent à entrevoir ce que certains décrient depuis longtemps, à savoir la pourriture et le mensonge qui traversent l'État et les institutions internationales, bien que beaucoup croient encore que la démocratie peut se résumer à choisir ses maîtres. Maître mot dans l'art de la justification, l'Union européenne, qui devrait garder sa commission aux toilettes plutôt que de nous l'imposer, préfère l'oppression au respect, faire pression pour s'imposer aux minorités, brandit le blason du mensonge et de la sournoiserie. Je ne sais pas, mais lorsque quelqu'un arrive à se dire démocrate tout en faisant tout pour écraser la moindre parcelle de contestation, cela s'apparente plus à de la mauvaise foi qu'autre chose. Une étrange schizophrénie qui ne semble pourtant déranger personne, bien qu'elle montre que tout ce qui la fonde est simplement un gros morceau de merde, à merder sur chacun d'entre nous. Certains rigolent de Trump et de ses fans et de sa bêtise, mais ici on ne fait pas mieux, c'est juste que le mensonge tient un peu plus droit à coup de parlementarium et d'autres campagnes fallacieuses. Il y a encore quelques années, il était impensable d'être opposé au projet européaniste, et elles avaient même inventé un néologisme pour ça, eurosceptique, utilisé comme une injure, comme un moyen de faire passer les sceptiques et les critiques pour des personnes manquant de bon sens. Puis peu à peu, si le masque se dévoile, la couverture n'est toujours pas retirée à ces gamines et gamins trop gâtés, des institutions oligarchiques qui nous oppriment, nous volent, nous tuent, nous détruisent comme du simple bétail. Je voudrais revenir un peu sur cette schizophrénie avec un autre cas outre-Atlantique, comme pour mieux raisonner avec l'actualité. CETA, dire « si les menteurs s'allient à l'international, peut-être est-il temps pour nous de revenir à une perspective plus internationaliste ». Nombreuses sont les populations amérindiennes qui se battent contre des projets d'oléoducs que leur imposent des États américains. Comme si le vol de terre, l'oppression systématique, les violences quotidiennes morales et physiques et les génocides ne suffisaient pas. Depuis quelques semaines, hier, aujourd'hui, demain, une armée de miliciens nommée police enfreint les traités qui ont fondé la légitimité de leurs maîtres. Ils menacent de leurs armes de guerre, de leurs véhicules blindés, de leurs coups, de leurs bombes au poivre. Des personnes jeunes, âgées, adultes et enfants qui acceptent encore de rester pacifiques, de respecter des traités plus que centenaires, qui subissent chaque jour le poids de la haine et du vrai visage de ce que sont les institutions oligarques, qui courageusement luttent comme en Europe, en Syrie, partout ailleurs pour le droit de vivre, en scandant les pieds pathogènes dans l'eau et la boue, en criant même le visage brûlé au milieu de ces vertes collines « No DAPL, no Dakota Pipeline !» Puis, subissent une fois de plus la répression. Souvent loin des yeux qui se détournent, souvent loin des commentaires minables et des culs qui restent vautrés dans leur fauteuil, qui s'indigneront lorsqu'à la violence répondra à une autre violence nécessaire et de protection. Indignez-vous, l'ancien philosophien de salon. L'indignation ne suffit pas, c'est bien simple de geindre. Mais cela ne répond pas aux violences du quotidien. L'autre jour, avec des amis, nous attendions le tram, près de Louise. Un homme sous l'abri joue de la musique, on comprend que c'est pour lui un moyen de survivre. À côté, comme pour mieux tracer la caricature, un homme installe un écran pour de la publicité vidéo qui servira à capter les gens, à leur imposer des mensonges présentés comme des rêves, qu'il sera scandaleux de vandaliser. Des employés de la STIP passent, jartent le type en disant qu'il ne peut pas se mettre là. De trois types qui imposent rien qu'à leur allure et à leur agressivité la crainte que veulent nous inspirer au quotidien les maîtres. Une espèce de milice de bas étage qui rêve du jour où elle pourra porter les armes. Après avoir agressé le type, et malgré quelques sympathies, beaucoup observent la scène, inerte. Les agresseurs, quant à eux, passent à l'arrêt d'en face, où un homme visiblement à la rue dort couché sur le banc. Il le réveille, commence à le chasser, lorsqu'un de mes amis leur crie dessus en leur demandant comment ils n'ont pas honte de faire un job pareil, de jouer les fascistes. Les types directs reviennent vers nous, encore plus agressifs, veulent jouer de la masse critique, la dispute éclate, on fait bloc. L'un de ces chiens ira jusqu'à dire que c'est pas une heure pour dormir, comme pour mieux ancrer le geste dans le cynisme de la situation. Peu à peu, la vingtaine de personnes autour assistent à la scène. Et je vois dans certains visages ce brutal réveil sur ce qui vient de se passer. Je ne sais pas combien de personnes se seront rendues compte de leur passivité et de leur vide face à une situation inhumaine et inacceptable, et que nous avons intégrée. La violence est là, dans chaque geste que ces chiens nous vendent comme étant normal et juste, verbal, visuel, sonore, odorante, humaine, physique, sociale et économique, et s'intègre dans notre quotidien. Nous en avons l'habitude, comme nous avons l'habitude de considérer les violences du système comme justes. Il suffit de voir pour cela la normalisation des violences policières dans les séries, les films, là où celle du peuple est considérée comme irrationnelle et injustifiable. Vander Smeeson peut frapper, ses collègues voler, tabasser, tuer, cela n'est apparemment pas un problème. Je pense à Mohad, qui a été leur victime à l'âge de 14 ans alors qu'il rentrait chez lui. Je pense à chacune et chacun de mes camarades qui ont été leurs victimes. Aujourd'hui, je me rends compte que je connais plus de victimes que de personnes qui n'ont jamais eu de problème avec ces raclures. Et je ne parle pas que de militants. Si maintenant, toi tu te lèves et que tu résistes, on te traitera de tous les noms, on cherchera à te casser, à disqualifier tes actes par tous les moyens, là où on cherche à justifier les leurs. Une société où il est normal de défendre ceux qui nous détruisent, et où le mensonge est tout à fait acceptable, et à laquelle seule une indignation de papier peut éventuellement répondre. Parce que seuls seraient les plus à même de savoir ce qui est bon pour nous, parce que l'on serait incapable de vivre sans maître et sans loi pour nous dire quoi faire. J'avais oublié. J'avais oublié que c'est grâce à la loi et à l'État que mon voisin ne me tue pas. J'avais oublié aussi que toutes les sociétés qui ont fonctionné sans oppresseurs n'ont été que des échecs et des bains de sang. C'est cela que nous montrent ces expériences. Que cette dystopie, je ne cesserai de le répéter, est là, concrète, ici et maintenant, au quotidien. Que la solidarité dont a fait preuve cet ami en réagissant par la violence est nécessaire et que nous en avons largement le droit. Et que surtout, il est plus que temps d'agir face aux oppresseurs. Et c'est sans Dieu ni maître uniquement que l'on pourra sortir de ce système pour commencer à vivre en tant qu'être humain.